alors qu'il profitait des tout débuts de sa retraite. Après une carrière bien remplie sur les plateaux de télévision, Henri Sagnier est frappé par la maladie. De jour en jour, il sent la paralysie grignoter ses membres au point de ne plus pouvoir bouger. Il lui faudra passer de spécialiste en spécialiste pendant près de 2 ans avant que l'on puisse mettre un nom sur sa maladie, la polyradiculonévrite chronique, une longue errance médicale que connaissent bien toutes les personnes touchées par les maladies rares. Que fait un hyperactif quand il se retrouve privé de tout ce qui faisait le sel de sa vie ? Il cherche de la force dans le soutien de ses proches et dans ses souvenirs heureux et essaie toutes sortes de méthodes. Jusqu'à ce que les médecins lui proposent un traitement qui améliore sa situation et après de longs séjours en hôpital, 2 ans en fauteuil roulant, il réapprend peu à peu à marcher. Le jour où j'ai réappris à marcher est un témoignage sur la maladie, plein de courage et d'espérance, écrit par Henri Sagnier et Yves Quitté. Le jour où j'ai réappris à marcher d'Henri Sagnier est paru aux éditions du Rocher.